Génération t'inquiète, se battre avec des fausses pierres. Tu sais qu'on est des soldats, sûrement un de ces volontaires. Au fond et dans les tranchées, on apprend le style d'MC. En cas de mal c'est clair, oui que le son est une pharmacie. T'as capté l'art c'est pas grave, tu peux garder ton contrat. On est mieux chez les remplaçants, pour une meilleure contre-attaque. En cataque on sent rien, sur le terrain on s'en tape. On se relève c'est fair play, car finalement y'a pas de balle. Pas de règles, pas de mal, j'opère en mode Mad Max. Une capuche en posca, entre fait les centres commerciales. On revient briser les cadenas, du réel dans le cinéma. On s'élimine à petit feu et brûle devant nos funérailles. Il fallait bien que je représente ça, coupe la rime autant que ça. Autopsie c'est top ça, y'a une erreur en gomme ça. Boxer les mots Bob Sap, tout comme Lino Borsa. C'est la folie dans chaque son, tout comme les chants du Barça. Il fallait bien que je représente ça, coupe la rime autant que ça. Autopsie c'est top ça, y'a une erreur en gomme ça. Boxer les mots Bob Sap, tout comme Lino Borsa. C'est la folie dans chaque son, tout comme les chants du Barça. Tu sais à part compter la maille, on calcule plus ses fautes. Ça déraille, mais le train n'est pas le même chez les autres. On perd tout devant ses potes, et le sourire au fil des années. Être seul nous fait plus peur, tout comme la maison d'arrêt. Entre barrette et cocaïne, Doliprane et compagnie. Des allers-retours en Espagne jusqu'au fond de l'Italie. Vas-y cherche, tu trouves. Non non, frérot y'a plus de flou. Les jeunes préfèrent Amsterdam, non plus le musée du Louvre. Je l'ouvre, pour que demain on n'oublie rien. On tombe, on se relève jusqu'à n'avoir même plus de rien. On y voit même plus rien, frère captivé à consommer. Et si la vie était si simple, je crois qu'il fallait bien que je représente ça. Coupe la rime autant que ça. Autopsie c'est top ça, y'a une erreur en gomme ça. Boxer les mots Bob Sap, tout comme Lino Borsa. C'est la folie dans chaque son, tout comme les chants du Barça. Il fallait bien que je représente ça, coupe la rime autant que ça. Autopsie c'est top ça, y'a une erreur en gomme ça. Boxer les mots Bob Sap, tout comme Lino Borsa. C'est la folie dans chaque son, tout comme les chants du Barça.